Tracteur, bah c'est mon atout. Et moi, je ne veux pas que vous l'enleviez. Bah, un qui veut pas. Comment c'est-il que vous voulez que moi, Philibert, j'aille me retrouver? À ton idée, Philibert, qui c'est-il qui doit commander? C'est-il l'homme ou c'est-il jupon? Chez moi, ça serait plutôt le jupon qui aurait l'autorité. Mais ce qui m'étonnerait pas, Aurélien, c'est que ça soit du pareil chez toi. Créma à Dieu, c'est ce qu'on va voir. Allez, mets-toi à l'ouvrage. Bah, je suis là pour ça, mais ça me conviendrait mieux si vous étiez d'accord. T'occupe pas. Philibert, t'en peux pas me faire ça. Cousin Achille, il avait marié la belle-fille à mon oncle Gustave, la Léonora Bonfumée. Une sacrée cavale, hein? Tous les mâles du canton, elle les avait sur les talons. Pour pas dire où c'est que je me pense. Oh, elle parle bien, elle parle presque mieux que moi. Elle aurait très bien tourné la phrase. Pardi, ton oncle Gustave, moi je l'ai bien connu, Gustave Santornier qui s'appelait. Ah ben forcé, puisque c'était le frère à mon père. Les oncles Chantournant, c'était le côté de ma mère. Eh, par le fait, on se trouve d'être un peu cousins, tous les deux. Eh ben, ça se pourrait peut-être bien, hein? Par le côté Santornier. Dis voir l'Ernestine! Je sais pas de quel côté tu tiens ces deux oiseaux-là, hein? Eh, non, hein? C'est du rythme bien tourné, hein? C'est des vrais oiseaux de paradis, hein? C'est dis donc, cousin! Ça me cherche! À ce que je voulais. Écoutez, monsieur Mourlon, je regrette de vous avoir dérangé, mais j'ai réfléchi et j'ai décidé de laisser le Minotaure ici. Comme vous voudrez, monsieur Forestier. Oui, je trouve que ce serait dommage de le confiner dans une de vos remises alors qu'il a très bien sa place dans ce salon. Ça, n'est-ce pas, c'est votre affaire. Bonsoir, madame Forestier. Bonsoir, monsieur Mourlon. Bon, alors je vous reconduis. Oui, bien oui. Alors maintenant, récapitulons. Primo, ça va loin, ça va très loin. Secondo, Lançois, la torridité de Lançois. Non, pas de me. Tertio, fonctionnel dans un salon. Ah non, non, je voulais dire formidablement soi. Dis donc, tu es un peu sec avec ce pauvre Mourlon. Oui, un mouvement de jalousie. Oh, vraiment? Tu étais jaloux de Mourlon? Pas vraiment de Mourlon, plutôt de Philibert. Tu rêves, mon pauvre Gérard. Madame est servie! Aurélien, tu vas être content, je te fais une bonne soupe au poirio! Oui, très content. Vous êtes une excellente cuisinière. Merci, Marguerite. Mesdames, messieurs, la farce que nous avons eu l'honneur de jouer devant vous est de Marcel Aimé. Les décors sont de Donald Cardwell. La pièce a été interprétée par Arlette Didier. Claude Évrard. Anne Carrère. Denise Gray. Francis Joffaut. La mise en scène est de Jean Le Poulain.